Aïe. Section criminelle, Maxon Escobar, ça vient de la rue. SPT clan, Vita Guerro. Aïe. Ça vient de la rue, Salvador. Division Leclerc, hardcore comme Hitler. Ça vient de la rue, MC Darvador. Capuché Kanté, ça vient de la rue. Alien des capoules, boîte de réanimation dans ma rue. Génération 500-110-06-18. Get, get, putain, get, get, get à pont. Ça vient de la rue. C'est le retour de la rue, c'est chelou. On a la taille du mic comme des loups. On s'en bat de l'instru en 4-4-2. Ça vient de la rue, comme un couchage dans le dos. Car j'ai les gros dans le RAP, je récidive. Dans la résine, c'est moi qui pilote le navire. Les putes du boulevard sont en panique. Face à l'automatique, authentique, chromé. Ça me donne une envie de te voir cramer. T'entends les balles siffler, mais pas dans des filets. Si tu carottes, négro, tu te fais fumer. On a trop les gros pour ça que l'instru, je viens la cripler. La rue nous a forgé, la dalle nous a armés. Avec la salmanie, vouloir de la salmonnaie. Sans moi, cette tour enfile les gants et les poneys. Le pinel au canon, criminel section. Poison mortel dès la première injection. Section crime, ça touche de tout. Ça pipite l'air de la feu genou. Ça dose comme des fous. Pas en mission, casqué sur deux roues. Piétine des pifs avec les genoux. Section criminelle, vend les yeux par un tonnerre. Criminel, la mélodie du revolver. Les négros qu'assument le terre-terre. Ça se garde pas comme des rockbellers. On s'en bat les couilles, c'est nous contre tous pour vous faire la misère. Ça vient de la rue. Sex, drogue, bicrave, illégal, business, nique sa mère le commissaire. Ça vient de la rue. Faire de la maille, on connaît. On te casse le crâne si tu prends un billet dans la recette. Ça vient de la rue. Section criminelle, Escobar, Maxon, issu du ghetto, guet-apens au 127. J'ai été infiltré sans le savoir. J'ai marché avec une pute dans ma rue, là où la peur vous hante, la trahison est punie. Ici se côtoie la misère et le genre. Un putain de remue ménage, autant de multi que de récidivistes. La justice à notre housse, 93, au cœur du mal. Sachez que, ici l'ennemi palestinien règne. Ma grosse queue, les bandes rivales. Sachez que la plainte est déposée par les victimes. Ok, déterminé, j'arrive avec du rap cru. Tout droit sorti de la rue. Mes rimes sont vraies comme le 9M qui te met par terre. C'est toujours vénère quand ça vient de vivre ta mère. C'est la guerre dans toutes les tests, t'as voulu tester. C'est sur toi que je m'acharnais, sale putain. Nous c'est sur le terrain qu'on brise terrain, mais pas sur refrain. A tous les frères du A, qu'ils ont pas attendu l'état pour se faire gilia. Ça vient de la rue ici, c'est pas fréquent star. Leur envoyer les bâtards tire sur la chaîne pour voir aboyer. L'animal est encore plus dangereux, blessé. Je donne pas la patte, j'aurais juste pour pisser. Sans moi cette école des beaux-arts, où est né mon style. Ghetto, guet-apens, ville d'aneuse hostile. Évite l'entour l'opette, c'est Escobar, Jamdi et tous les autres. Maintenant dis-moi qui est entouré de l'opette. Du rap tout, tu t'es couré de catalogue. La vie c'est pas un long fleuve tranquille. T'es baisé si t'as pas la pirogue. La loi, ma rue, c'est gauche droite prolique dans le skeg. Putain c'est dead, j'avoue c'est deg, masta. Crache l'oseille ou sans stop ton poème. J'ai autant de frérot à ma charge que de poule sur un arbre de Noël. Écoute, ma rage, mon argent, ça vient de la rue. Mon équipe, mon style, ça vient de la ça rue vient de la rue. On s'en bat les couilles, c'est nous contre tous pour vous faire la misère. Ça vient de la rue. Sex, drogue, bicrave, illégal, business, nique sa mère le commissaire. Ça vient de la rue. Faire de la maille, on connaît. On te casse le crâne si tu prends un billet dans la recette. Ça vient de la rue. Section criminelle, Escobar, Maxon, issu du ghetto, guet-apens au 127.